8h30 exactement, ça va, c'est KNU 100.9 rejoindre André Arthur. André? Bonjour, comment ça va? Ah, ça va bien. J'étais dans la cuisine, j'avais deux côtes dans la vaisselle mouillée, comment ça va? Étais-tu en train de manger soit des crottes de fromage ou encore des petits biscuits de Leclerc à feuilles d'érable? C'est un ou l'autre en alternance. Tu sais qu'en fouillant mes affaires, là. Je sais tout, moi. Les crottes au fromage, c'est Lise, hein? OK. Parce que Lise... En fait, j'achetais un sac à Lise puis un sac pour toi. Ça, je fais ça, mais elle finit toujours par vider mon sac. C'est dans le domaine des crottes au fromage, je peux pas faire confiance à cette femme-là. Ben, regarde, je la comprends, c'est écœurant, moi, je suis un mangeur de crottes de fromage. Est-ce que tu aimes mieux les tendres ou les croquantes? Les croquantes? Je te dirais que j'aime les tendres. OK, mais ben moi, je suis plutôt un gars de crottes au fromage croquantes. Mais il est arrivé une nouvelle série de petites là, crottes au fromage différentes des grosses qu'on avait avant. Là. Ouais. Elles sont plus dures. Mais je t'avoue franchement que je suis un mangeur de fromage. N'importe quel fromage que tu m'amènes, je l'attaque. Ouais. Je suis un mangeur de fromage, peu importe le fromage. De ce temps-là, ma blonde ne peut pas manger de fromage un peu fin parce qu'elle est enceinte. Donc, je m'en achète et je les mange tout seul. C'est tough, ça va quand même. Demi-bouteille de vin. Là. Je mange ça d'en face. D'en face. Avec des petits raisins, des petits noix. Ben, ouais, gens, la coupe de vin. Évidemment que ça va être, tu sais que ça va être évoqué par son avocat comme de la cruauté mentale. Ça se peut. Tu sais, quand tu vas être obligé de faire un chèque pour la moitié de ton fonds de pension, là. Tu penses qu'on va arriver? À qui ça arrivera pas? Qui est à l'abri de ça? On sait jamais. Bon, alors, t'es pas visé plus particulièrement, là. Mais, as-tu vu le film avec Clooney qui commence à sortir en cassette, là? Intolerable Cruelty? Oui. Ouais. As-tu vu? As-tu le film d'avocat, ça? Oui. Le dernier, là, que je viens de voir dans l'avion, avec Catherine Zeta-Jones. Ah oui, ben oui, regarde. Il se fait-tu avoir? Il se fait-tu avoir? Ça se peut, c'est l'histoire de bon ben du monde, de se faire avoir toute leur vie, là. Je trouve qu'il nous représente tellement bien. Yes. Hein? Il fait embarquer, mais pas à peu près. On peut pas... Dominique Morel a donné des informations que tu as déjà entre les mains. J'aimerais ça que tu communiques, André, juste pour revenir encore sur l'histoire des juges, une dernière fois peut-être, encore une dernière fois peut-être, mais on a une dernière nouvelle qui s'ajoute aux nouvelles qu'on vous a déjà données. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Martin travaille sur un dossier qui nous démontre que les juges qu'on a vus intervenir de façon inappropriée dans le dossier de Robert Gillet par des lunchs, des juges qui ont été identifiés par la police de Québec comme étant des suspects comme clients dans la prostitution juvénile, il y a des juges dans cet univers-là qui continuent à être impliqués dans certains aspects du dossier. Aller plus loin à ce moment-ci serait, d'après moi, imprudent et serait, d'après moi, déloyal à l'endroit de Martin qui mène ces recherches-là et qui est traversé s'acheter un jus d'orange au petit calumet au bord de la rue. OK. Donc, on va attendre les derniers développements. Si jamais ils arrivent, on les a dans les prochaines minutes. Là, mais... C'est ça. Mais disons que... Il est sur une bonne piste. L'incroyable arrogance de ces gens qui disent qu'ils n'ont même pas besoin de se cacher semble être bien implantée. Bien implantée dans le monde de Québec. Et moi, j'ai connu ça dans tellement de dossiers, cette arrogance-là. C'est quand les syndics sont faits pogner par la SECO à vider et compagnie. Ils faisaient ça au grand jour, avec la collaboration des notaires, avec la collaboration des avocats, avec la collaboration des banquiers. C'était au vu et au su de tout le monde. Ces gars-là étaient au pouvoir. Ils n'avaient même pas besoin de se cacher. Les gens, moi, je me souviens du dossier de la SECO sur le crime à col blanc dans la région de Québec. Ils ont détruit des entreprises, ils ont détruit des familles, ils ont volé des jobs, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et les mêmes gars que la SECO avait pointé comme étant les organisateurs d'un racket de crime organisé à col blanc à Québec, les mêmes gars avaient été embauchés par le ministère de la Justice pour étudier le problème des faillites. Les mêmes gars! Pas le voisin, le chum, les mêmes! Individus. Puis aujourd'hui, tu découvres que parmi ceux qui font les études sur les fusions à Québec et à Montréal, t'as Gauvin, Puis Gauvin, c'est un frotteur de Jean-Paul Lallier dans la compagnie Raymond Chabot North Parton quelque chose. C'est un profusion all the way. C'est un militant profusion et c'est à lui que le gouvernement Charest a donné le contrat, mon ami, pour étudier le coût des diffusions, pour nous dire qu'on n'a pas les moyens de se défusionner. On a les moyens de jeter Jean-Paul Lallier puis le gros dégueulasse sur la rive sud dehors. Puis dans la région de Montréal, le grand niaiseux a tremblé. C'est bizarre, hein, comme comportement. Deux maires, 180 degrés de différence entre les deux, mais ni un ni l'autre, on voudrait les avoir. Ouais. Deux gars complètement différents, là. Puis deux, mais qui ont... Tu parles de Tremblay et de Lallier? Non, je parlais de Garon. Ah oui, Garon, oui. Mais les trois ont ceci en commun d'avoir été des ministres provinciaux. Deux des trois ont été ministres de Robert Bourassa. Ils ont beaucoup en commun, ces gens-là. Plus qu'on pense. Beaucoup plus qu'on pense. Les trois sont des gens qui ont des beaux trains de vie après avoir été des serviteurs publics tout le temps. Tremblay a été homme d'affaires aussi. Le plus gaffeur des trois, c'est Tremblay. Le plus baveux des trois, c'est Lallier. Puis le plus dégueulasse des trois, c'est peut-être Garon, mais c'est trois gars qui ont beaucoup plus en commun que je pense. C'est des exploiteurs. C'est des gens qui profitent de leur image. Et toi, tu penses qu'on aura les outils nécessaires pour aller jusqu'au bout de ça et que ce ne sera pas un exercice juste parce qu'on nous l'a promis puis qu'en fait, au niveau du côté pratique, on sera jamais capable de défusionner ces villes-là. Ça, je ne le sais pas. Mais je me dis que moi, quand je voterai pour Émile Loranger comme maire d'une ville regroupée dans l'ouest de Québec, ben je lui fais confiance pour faire du mieux. Mon but, c'est pas de dire que les diffusions vont améliorer les choses de telle et telle et telle façon. On est dans la marde anyway. Mon seul but dans la vie, ça va être de sortir Jean-Paul Lallier de ma ville Sainte-Foy. Ça, pour moi, c'est fondamental. C'est un recall election, ça. Le recall election, on peut pas le sortir de la mairie de Québec, mais on peut se sortir de lui. C'est la même chose que les gens de Californie ont fait avec Arnold. Je trouvais qu'au niveau municipal, on n'a pas beaucoup de relève. Tu parlais d'Émile Loranger. C'est sûr que ça, c'est un gars qui est connu, mais c'est pas la nouvelle génération, probablement que pour un temps ça fait. Mais qui va être là dans 10 ans? Mais là, on va perdre sa job au 93 et le 31 août, là. C'est marqué dans le National Post. Oui. À matin. J'attends parler de ça, là. FP8. Alors, ça va avoir André Boucher, mais c'est effectivement, il n'y a pas beaucoup de relève. Mais où est-ce qu'il y a? Myriam Bédard, ça fait ça, ça. Myriam Bédard, ben oui, un beau petit bureau capitonné. On va lui faire un petit bureau capitonné, puis on pourrait y prêter un gun, puis tu gardes. Elle pourrait donner un chèque comme conseiller spécial à son chum. Ouais. C'est un solide, ça. Ah oui, regarde, lui, là, il pourrait invoquer toutes les puissances ésotériques. Puis on pourrait avoir réel aussi, je sais pas, il y a du monde, regarde, il n'y a pas de relève là-dedans, mais il n'y en a pas en affaires, il n'y en a pas en politique fédérale, il n'y en a pas en politique provinciale. Shit, Jeff, il n'y en a pas en radio non plus. T'es directeur des programmes d'une station, t'es obligé d'animer le matin. J'étais directeur. Ah oui, c'est ça. T'as perdu ta job. Ouais, ils m'ont enlevé. Ils t'ont crissé dehors de ta job pour t'obliger à prendre une diminution de prestige pour devenir un vulgaire animateur qui se lève à 4h du matin. Il a dit la relève. C'est terrible. Hein? Puis ça, c'est le jour où t'es allé voir ton boss en disant je trouve pas d'animateur. Ben, si t'en donnes main, je l'ai trouvé un. Hein? Ah oui, c'est exactement. C'est ça qui est arrivé, hein? C'est arrivé de même. Ah. Hey, André. Oui. Parle-moi un peu du 93. Comment t'as vécu ça un matin en apprenant la nouvelle quand t'as lu le Nash on le pose comme de quoi que le 93 à Québec allait devenir une station uniquement de musique et que la partie parlée du 93 allait disparaître. Ça a commencé quand ils t'ont mis des hors pareil. Bon, ça, c'est ce que certaines personnes de mes amis pensent. Que, ben non, les chiffres sont là. Mais, sauf que eux, ils ont dit non, le départ d'André Arthur est sans importance, mais le départ de Robert, par exemple, ça nous a touché beaucoup. Alors, c'est parce que c'est écrit dans les livres. On va même pas sortir les dates. Il y a des dates écrites dans les livres, là. C'était déjà la fin de Robert. Le jour où t'as quitté, Robert, elle a retrouvé ses pantoufles et ses chiffres qu'il avait auparavant, 30 000 au quart d'heure, ce qu'il a eu toute sa carrière. Je te remercie de le dire, je peux pas le prouver et j'espère que quelqu'un dans les médias plus sérieux que nous en viendra à faire une recherche. Mais ce qui m'accable, c'est que Petit Bedeau va encore perdre sa job. Et là, ça n'en fait plusieurs, beaucoup, là. Mais là, ce matin, moi, j'étais surpris d'apprendre qu'il était toujours au 93. ce que je ne savais pas. Il est toujours là, donc il risque encore de perdre une job. Ce sera quoi, la sixième en quatre ans? Ben, il a été directeur général du Soleil, il a été animateur à Radio-Canada. Je me souviens de l'avoir fait embaucher comme directeur des programmes à CHRC. Tu te souviens d'avoir fait mettre dehors aussi? Ben, la journée où il était disparu. Le perroquet. Ah, le perroquet. Le perroquet. Chris de fou, il avait décidé que le symbole de la station, ce serait un perroquet. Oui, et cette fois-là, André, je ne sais pas si... Mais je me souviens très bien que tu l'avais invité à venir faire un tour dans ton studio pour une claque volontaire. Non. Yves, je ne l'ai jamais invité en studio. Il ne méritait pas d'être en studio. Il ne méritait pas d'être en autre. C'était mon boss. Nommément, c'était mon boss. C'est moi qui l'avais suggéré en disant, ce gars-là, il a un bon moteur, mais il n'y a pas de brake. Surveillez-les comme faut. Il peut faire des choses le fun. Il est énergique. Et mon paresseux d'associé de Jacques Duhamel, de ce couillon, l'avait laissé aller ben là sans le surveiller. Je sais pas si... Puis, on s'était retrouvés avec l'histoire du perroquet. Je me souviens d'avoir, durant une émission, pris l'intercom de la station, composé le numéro que ça prenait pour être dans les haut-parleurs de tous les bureaux. Oui. J'avais dit, s'il y en a qui veut crisser une claque sa gueule à Thibodeau, il est justement ici au contrôle. Mais quand t'es arrivé de vacances et t'as entendu Albert Miller faire ses explications, il hurlait dans la station. C'est un cher 580. Ah, c'était mauvais. T'es le gars qui pue de la gueule, là. C'est bon, ça. C'est pas du bonbon, mais il m'a dit bien. Mais Cogeco, là, c'est une grosse histoire. Regarde, Cogeco, c'est toute croche. Cogeco, c'est d'abord et avant tout M. Henri Audet. Henri Audet, c'est un ingénieur qui travaillait à Radio-Canada, à Trois-Rivières, faisait fonctionner les transmetteurs, puis était l'ingénieur de la station. À un moment donné, il s'est mis à avoir des amis, et ils se sont trouvés l'occasion d'investir, et ils sont devenus les propriétaires, mon Dieu, de la télévision. Ils ont représenté Radio-Canada, ils ont été dans les cantons de l'Est, ils ont commencé à grossir. C'est les amis de Jean Chrétien, c'est des amis de l'archevêque de Trois-Rivières, puis c'est des gens qui ont l'évêque Mormon comme vice-président, puis ils présentent des films de cul le vendredi soir. T'sais? En d'autres mots, c'est du maudit bon monde, mais quand il y a de l'argent, des fois ils sont bizarres. Puis, ils ont parti un empire, puis ils ont toujours été en retard sur la Switch. Chaque fois qu'ils ont voulu faire de quoi, ça n'a pas marché. Ils ont TQS, ça n'a pas marché. Plus tard, quelqu'un d'autre a acheté TQS puis leur en a donné une partie. Ils sont toujours comme à la remorque des événements. Puis là, dans l'histoire du FM 93, un jour, ils se sont retrouvés avec un animateur qui les avertissait qu'un autre de leurs animateurs vendait ses entrevues pour des subventions à ses immeubles. C'est l'accusation que j'ai toujours portée contre Robert Gillet, puis je pense que les entrevues qu'il a faites avec Jean-Paul Lallier le démontrent bien. Il n'avait que de la complaisance pour Jean-Paul Lallier, puis Jean-Paul n'avait que des subventions pour lui. Quand j'ai mis les gens devant ça, ils ont décidé que c'était à moi le problème, ils m'ont crissé dehors, ils ont respecté mon contrat jusqu'à la dernière scène, c'est-à-dire à peu près 10 minutes après mon congédiement, ils ont dit qu'ils me devaient plus une scène. Et en inventant une raison de congédiement, ils se sont ainsi exposés à un procès qu'ils auront peut-être, des réclamations qu'ils auront peut-être, mais moi ils m'ont mis dans la rue, j'ai mangé mes rires, puis pour eux Robert Gillet c'était la solution, puis là ils vivent avec. Comme t'appelles-tu la boxe quand ils ont eu un champion? Hilton a été champion. C'est ça. Et Stéphane Moyette, ben ils l'ont le champion. C'est un temps pareil, je monte aussi, ils voulaient un champion, ils l'ont leur champion, rien qu'à faire avec. Alors quand Robert a été arrêté, je suis allé à l'enquête préliminaire parce que je voulais voir c'était quoi, moi, l'intégrité, parce que j'avais été mis dehors, parce que j'avais mis son intégrité en doute. Mais quand on fait la liste des choses que Cogeco a, on va faire la différence entre un côté câble, qui est une compagnie qui, un jour ou l'autre, va appartenir soit à Rogers ou encore à Vidéotron, parce qu'ils sont comme dans le milieu de plein d'affaires, mais ils sont fourrés, ils pourront jamais devenir plus gros, ils peuvent juste se faire bouffer. Et il y a la division média qui comprend quelques stations de radio, dont des nouvelles qui ont été données parce qu'on a donné un break au CRT en probablement en te mettant dehors, qui ne sont pas encore lancés. Les trois stations ne font pas d'argent. Celle de Montréal a sacré à peu près tout le monde dehors hier. Rythme FM à Montréal a tassé à peu près tout le monde, incluant un gars de Québec que j'aime bien, qui est Claude Doyon. Hier, ils ont fait ça? Oui. Hier, ils ont fait ça. Claude Doyon, qui était à C'est quoi, qui était là pendant de nombreuses années, un gars avec, tu as sans doute rencontré. Ils sont allés le recruter à grand fracas, puis ils l'ont mis dehors. Ils l'ont pas mis dehors, mais ils l'ont tassé à la promo. Il est à Instagram maintenant, il est à la promo, donc il vient de descendre de plusieurs escaliers. Quelle horreur! Donc, ça marche pas à Montréal au FM. Ça marche pas au FM. Les deux FM de Québec ne fonctionnent pas et perdent beaucoup d'argent. TQS, c'est l'horreur. C'est l'horreur, TQS. Quand t'es pas capable de faire une suite à Love Story, c'est pas que j'aime Love Story. Demain matin, je suis en charge de la programmation. J'ai une émission qui attire 2 200 000 personnes. C'est l'émission qui a attiré le plus de monde depuis le tout début de l'histoire de TQS, qui dure depuis longtemps d'ailleurs. On est rendu quoi? 20 ans, TQS? Ça a jamais connu de succès. Là, t'en as un, puis tu le renouvelles pas. Parce que tu dis que tu n'as pas d'argent. Penses-tu que CBS, quand ils sont allés chercher le football, qui avaient perdu au moins de Fox, puis ils ont vu leur cote d'écoute plonger, ils savaient très bien que le football, c'était pas rentable. Et NBC l'a vécu un peu quelques années après qu'ils aient perdu le football aussi. CBS avait perdu des cotes d'écoute parce que les hommes désertaient l'antenne, parce que le dimanche, il n'y avait plus le réflexe d'aller à CBS. Donc CBS, dans leur tête, disparaissait graduellement. Donc même si le football était non rentable de payer les droits à la NFL, ça amenait des cotes d'écoute et le reste de la semaine en bénéficiait, ce qui faisait que l'antenne était plus rentable dans le bottom line à la fin de l'année. C'est exactement le raisonnement que les gens de Cogeco auraient à voir avec Love Story, qui est une émission complètement ridicule. Mais ça attire 2 200 000. Tu n'arrives pas. En fait, c'est une forme de respect qui n'existe pas dans cette organisation-là. Là-dessus, je te dis, moi, j'avais décidé de quitter le FM 93 quand ils m'ont jeté dehors. J'avais une offre qui m'avait été faite par Jacques Parisien, le vice-président d'Astral, pour aller à CHRC. Et lorsque j'ai été jeté dehors au FM 93, j'ai avisé M. Parisien que, à ma surprise, j'étais maintenant libre. Et lui m'a répliqué, oui, mais moi je suis plus libre de t'embaucher parce qu'on a des grosses pressions politiques, puis qu'on ne peut pas se permettre de t'embaucher et de déplaire aux gens qui ne veulent pas qu'on t'embauche. Jacques Parisien est vice-président d'Astral, c'est celui qui vient de vendre ses cassés. Là. Devant ça, moi, j'ai pris mon trou, j'ai mangé mes rires, puis maintenant, je suis privilégié, je travaille à CKNU dans l'organisation Genex et j'en suis très fier. Cependant, je regarde les gens qui ont fait confiance à ces gens-là. La mairesse Boucher, Stéphane Gass, son Hébreux, Louis Lacroix, un journaliste qui ne reconnaîtra jamais une nouvelle, même si elle y était étampée dans le devant d'un train qui le frappe. Jean-François Gilbert, qui travaille pour se payer des dents. Je regarde tous ces gens-là et je me dis... Ah! Ils vont s'ouvrir les yeux. Ils n'ont pas eu de respect. Ils en méritaient peut-être pas, mais ils n'ont pas eu. Et Petit Bedeau, qui lui est monté au front avec Cogeco pour Robert Gillet, qui m'a traité de tous les noms comme si il voulait régler ses vieux comptes. J'en veux pour moi. Petit Bedeau, je pense que c'est encore un gars qui a des belles qualités, mais qu'il n'y a aucun jugement. Puis là, ils vont se retrouver dans une situation telle qu'à même pas mesurable à ce moment-ci. Le National Post dit, Mr. Odette added that the scope of cost cuts across the media division will depend on third quarter earnings. En somme, ils savent qu'ils vont scraper tout le monde, mais ils disent qu'ils vont en scraper peut-être davantage si les prochains 3 mois sont pas meilleurs. Ça veut dire que n'importe qui est associé de près ou de loin avec Cogeco a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais n'a pas les moyens d'améliorer son sort. Showbiz! Showbiz, ouais. Un autre François Renis, là, sa cure d'amaigrissement, semble-t-il, va se poursuivre. Pour François qui n'a plus, qui est incapable d'attirer autre chose que des cheveux bleus, même à un spectacle du Père Noël. Et là, il se retrouve au FM 93, esclave de ces gens-là après avoir été crissé dehors à CHRC. Il va y rester le Théâtre Impérial, puis bonne chance, parce que le Théâtre Impérial, quand ils vont le remonter, ça ne sera pas avec François Renis. Ça va être peut-être François Renis de temps en temps, mais François Renis ne peut pas supporter une expérience comme ça à lui tout seul. Je pense que ceux qui examinent ça actuellement sont en train de s'en rendre compte. Le résultat de tout ça, c'est qu'il y a un paquet de carrières qui, à la bain, qui ont été détruites. Oui. La mienne. Ouais, Charité Bienordée commence par soi-même. Petit Bedeau, encore. Stéphane Gass, qui... avait développé un tel manque de dignité qu'il était devenu un bon second violon pour la mairesse. La mairesse qui a besoin de ce micro-là pour être candidate à la succession de Jean-Paul Lallier, puis qu'elle ne pourra pas rien faire si elle perd son micro, parce qu'elle va être oubliée vite, vite, vite. À moins de danser aux carolles, elle ne pourra pas attirer l'attention d'aucune façon. La Corneille. Ouais. On pourrait l'appeler la Corneille. C'est ça. Mais tu regardes ça, là. Puis c'est quand même des artisans de notre métier, là. Puis juste parce qu'ils ont fait confiance à cette organisation-là et à un dénommé Parker et à son âme damnée Jeff Brown, ils vont se retrouver, ces gens-là, dans le caniveau parce qu'ils ont fait confiance à ces gens-là. Et là, je ne parle pas des autres artisans qu'on n'entend pas à la radio. C'est dramatique ce qui arrive. C'est dramatique. Dramatique, mais attendu. Qui c'est qui a déjà vu du talent dans l'organisation de Cogeco? Moi, j'étais surpris. Le seul move audacieux dans toute l'histoire de Cogeco au niveau programmation, puis ça remonte à plusieurs années, là, si on regarde CRGL à Montréal, le seul move audacieux qui se tenait pour essayer de... Parce qu'au départ, ils se sont fait fourrer en achetant le 93 à gros prix, puis en s'assurant pas que le contrat du Zoo soit signé pour une dizaine d'années ou un 5 ans, alors que immédiatement quand la station a été vendue, ces gens-là sont partis à chic, puis on s'accroche station terre. Le seul move brillant pour monter la station, c'est d'aller de chercher à CHSC, ce qui a été bénéfique pour les codes d'écoute et également pour les budgets publicitaires qui ont été placés. La station avait l'air, depuis le Zoo, pour une première fois, une station vivante. Une station où il se passe quelque chose. Et sacrément, ça, c'était tellement un geste logique que c'était trop logique pour eux autres. Pas longtemps après, 2 ans ou tout. Ça a duré combien de temps, ton affaire? 2 ans, 3 ans? Oui, mais ça a été des belles années. Ça s'est terminé, puis de l'extérieur, on comprenait pas trop. C'est ça. Et c'était Robert. Nous autres, moi, quand j'ai décidé de partir de là, c'est parce qu'on manquait d'air. C'était la station de Robert. Tout était organisé pour Robert. S'il y avait quelqu'un à embaucher, il fallait que ça fasse l'affaire de Robert. S'il y avait des journalistes à choisir, il fallait que ça fasse l'affaire de Robert. Et à un moment donné, je jouais le jeu. J'ai pas toujours besoin d'être premier violon. Puis de toute façon, je la voulais pas, sa crise d'émission. Moi, je suis pas intéressé à travailler le matin. Là, je travaille le matin parce que je suis obligé. J'ai 60 ans. Ça me vient pas naturellement de me lever à 4 heures, moi. Lui, ça y va bien, il est pas encore couché. Fait que... Je voulais pas sa crise d'émission, mais là, à un moment donné, ça a commencé à être des pressions, ça a été des agressions, à être toutes sortes de crises de folie. Et un jour, la politique s'est ajoutée. Puis là, ils ont décidé qu'il n'y avait plus besoin de moi, ou du moins que le fait de sortir Arthur aurait plus d'avantages que d'inconvénients. Puis ils ont accepté une perte financière. Puis leurs actionnaires devraient savoir que quand ils m'ont mis dehors, leur entreprise en difficulté, c'était à cause de liens politiques. La preuve, c'est que le gars qui m'avait offert une job à CHRC, il l'a retiré en même temps. Point à l'or, ça. Il n'y a personne qui a sauté sous moi pour m'embaucher le lendemain. Là. Il rajoute le nombre de licences données, celles de Québec, Trois-Rivières et Montréal, je pense, de d'autres stations données à Cogeco, qui n'a pas montré, depuis qu'ils sont propriétaires de stations de radio, qu'ils sont capables d'en gérer. Et pourtant, le CRTC et ceux qui ont assisté aux audiences, que ce soit à Québec ou à Montréal, ont vu des projets présentés à moitié, tête ou croche, et ils ont quand même eu les licences. Donc, tu voyais qu'il y avait un cadeau, malgré le fait que les présentations étaient archi mauvaises. Le résultat, c'est qu'au bout du processus, ils perdent plus d'argent qu'ils n'ont jamais perdu. Ils sont pas capables de garder ce qu'ils ont essayé de faire. Puis ils vont être obligés de retraiter sur la radio qui parle, à moins que Robert soit disponible. Parce qu'au début du mois de mai, l'ami des juges, mon chum le juge, va peut-être dire « Absolution inconditionnelle, puis on s'excuse de vous avoir poursuivi. Hein? » Moi, je m'attends à ce que Robert Gillet se fasse faire un roson par le juge Martin. Plusieurs voient ça. Ce qui sera scandaleux, mais ben là, validé. Avec tout ce qui est sorti depuis le début, lui, il est sur une belle série depuis 3-4 mois. Bon, on peut s'attendre pas mal à ça. Le qui tombe. Oui, exact. On va essayer d'avoir la confirmation. On va essayer depuis ce matin de parler à des dirigeants du FM 93, de savoir si ils ont décidé qu'est-ce qu'ils allaient faire avec leur station, quel genre de format musical ils allaient adopter, c'est quoi l'avenir du 93 à la suite de la déclaration d'hier comme de quoi le 93 allait changer de mandat et de style en enlevant tout ce qu'il y a de radio parlée. J'imagine qu'on aura de la difficulté à avoir l'information, mais si jamais on l'a, on t'en file tantôt. Il y a quelqu'un qui a déjà été leur émissaire qui m'a contacté il y a quelque temps pour me demander si je retournerais au FM 93 si Jeff Brown et Michel Carter étaient congédiés. Bon. C'est quelqu'un qui a déjà travaillé pour eux et qui a de bonnes relations avec la famille Odette. Donc, ça vient pas de la famille? Ben, ça vient de quelqu'un qui a des contacts avec la famille Odette et qui me demandait, écoute, Arthur, quand ils vont se débarrasser de Jeff Brown et de Michel Carter, toi, es-tu intéressé à retourner au 93? Il me semble que Jeff Brown a l'air de cockroach après une guerre nucléaire. Oui, il survit. On fait une pause de 2 minutes. Restez à l'écoute. André Arthur vous revient de l'autre côté de la pause. Quand vient le temps de choisir un Nissan, il y a toujours un air qui me revient. Venez chercher votre super Nissan Sentra 2004 en location à seulement 199$ par mois pour 5 ans avec un léger raconte et zéro dépôt de sécurité. Pour une Sentra 2004, c'est chez Capital Nissan qu'il faut aller. Quand vient le temps de choisir une Nissan? Bonjour madame, notre représentant en porte et fenêtre va passer dans votre service. Bonjour monsieur, les spécialistes de porte et fenêtre Québec ont tout rénové il y a 3 ans. Du beau travail. Ok, on peut vous rappeler disons dans 20 ans. Porte et fenêtre Québec, les prix imbattables, la plus belle salle de montre à Québec, le système triple vert et un choix unique de couleurs garanti 20 ans. Pour une estimation gratuite, faites le 681-7799. Porte et fenêtre Québec, du beau travail. C'est quoi l'événement golf? D'abord, ça se passe chez Swing de Golf directement. On a un paquet de spéciaux, dont entre autres un ensemble de golf 7 morceaux à 69,99 pour les gens qui commencent. Des bois haut de gamme en titanium. On a des putters à 9,99. On a des sacs de golf en abondance et on a des bâtons pour juniors également. Pour ceux qui veulent initier les enfants, ben c'est le temps. Pensez à Swing de Golf et l'événement golf qui se poursuit jusqu'au 11 avril. Swing de Golf a également maintenant une boutique sur la Rive-Nord à côté du IGA des Sources. Vous vous posez des questions sur votre cuisine, sur votre salle de bain et le centre de coupe Paul Deslauriers a la solution. Une équipe qualifiée, plus de 35 ans d'expérience avec une vaste gamme de produits, dont les portes d'armoire, des comptoirs de stratifié, des comptoirs de granit et les nombreux produits en mosaïque comme les comptoirs, les dosserets de cuisine, les intérieurs de douche et de salle de bain. Allez voir cette nouvelle mosaïque de verre, le produit le plus hot actuellement en Amérique. Le centre de coupe Paul Deslauriers au 652-0008. C'est KNU 100.9, on va rejoindre André. Yep. Hey, le baseball est commencé. Oui. Surveille les Cubs de Chicago. Hein, c'est un sleeper, ça. Hein? Surveille les Cubs de Chicago. Ils peuvent surprendre. Là, hier, on m'a dit de surveiller les Tigers de Détroit, je crois pas à ça. Ben, puis quand je te dis les Cubs de Chicago, t'es censé rire de moi. Ben, moins, parce que, je sais pas, il y a quelque chose avec les Cubs qui nous attache. Je sais pas si c'est le toit Budweiser, il y a quelque chose. Bon. Je regardais hier l'ouverture des Dodgers à Los Angeles, la visite des Padres de San Diego, et le gros Éric Gaillé qui se fait remettre le Cy Young avant le match par Don Newcomb. Il y avait pas la moindre idée c'était qui ce petit vieux-là. C'est un des plus grands lanceurs de l'histoire des Dodgers. Don Newcomb était là. Et le gros Éric, il a encore pris du large. Ah ouais? Ah, je sais pas quelle sorte de jelly bean il prend, mais Cibol, il est impressionnant, ce gars-là. Il est bâti. On dirait que... Il a une bonne soupe, hein? Un mur qui s'en vient. Et à propos de mur, dans le Dodger Stadium, un immense panneau avec la photo de Stair, c'est la face qu'il fait quand il prend le monticule, et avec son nom gagné, écrit avec l'accent. Et c'est très rare, contrairement à Céline, qui a enlevé l'accent aigu sur son E, Gagné écrit son nom avec un accent sur la publicité des Dodgers. Je trouve ça cute. Il y a le Canadien, on a parlé tantôt, nous autres, avec Stéphane Quintal qui s'en vont là-bas. Et là, encore une fois, matin, là, je regarde les journaux et il paraît que le Canadien est rendu là, c'est à cause de Théo. Ah oui, hein? C'est, on ne peut pas s'en sortir, André. Les journalistes veulent nous rentrer quelque chose dans le derrière. Mais tu sais, là, un genre de troc qui rentrait même pas dans un garage de 20 pieds de large. Donc là, il pousse, puis il pousse, puis il pousse. Partout où j'ouvre le journal La Presse, un matin, on nous dit des phrases semblables. Le Canadien doit en grande partie ses succès à la renaissance de son gardien José Théodore. Moi, j'étais certain cette année, puis je pense que j'ai vu pas mal de hockey, j'ai coaché un peu, puis j'ai joué pas mal, puis je joue encore, puis je m'intéresse à ça, j'aime ça le hockey, mais je me suis rendu compte en lisant La Presse ce matin que je connais pas ça. T'sais, si tu veux, on peut pas... je suis un amateur, je suis quelqu'un qui est pas un spécialiste, puis là, c'est clair, net et précis. C'est certain que Michael Ryder avait affaire là-dedans, que Mike Ribeiro, qui au début du camp d'entraînement, rappelle-toi, là, c'était ça casse ou ça passe pour Mike. Là. Il n'y a pas de patin, il a des bonnes mains, mais puis en plus, il est indiscipliné. Oh, là, il n'est pas fiable. Ah, il n'est pas dans le système. Non. Puis Bouillon, c'est, écoute bien, là, on ne parle pas de Bouillon, il n'est pas assez grand. Bouillon, c'est devenu un des leaders, même qui fait bien paraître Patrice Brisebois. Il faut le faire. Sheldon Surrey a l'air de Bob Orr. Il me semble que quand tu regardes tout ça, tu te dis, ben, c'est clair que c'est un travail d'équipe. Probablement que Achille Talon, le gars qui a l'air vraiment ridicule, est un bon coach de hockey. Mais on veut pas rien donner à tout ce monde-là parce que le hockey est un sport d'équipe en passant. Là. Ça, j'ai vraiment remarqué ça dans les bonnes années. On a joué du bon hockey, ben, on s'est rendu quelque part. C'est quand on avait une équipe qui faisait son rôle. J'ai gagné un tournoi niaiseux il y a 2 semaines. Puis la raison pourquoi on a gagné, c'est parce que tout le monde faisait sa job. C'est ça, un sport d'équipe. Ensuite, tu avais un Patrick Roy, dont la marotte, c'était de prendre la pression à la place des autres. Quand Patrick Roy arrivait, il disait, bon, moi, m'en gagnais. Moi, amenez ça ici de la pression. La pression, c'est mon affaire. Ah oui, les autres jouaient avec... les autres jouaient sans pression. C'est ça, même le coach, même la nonne à Jacques Demers, il n'y a pas de pression, c'est Patrick qui s'en occupe. Patrick, je t'aime Patrick, ouais. Patrick. Mais c'est ça, donc on ne veut pas donner... moi, du coup, je vois là, dans une liste ici, je vois au moins 25 noms, là, mais il semblerait que le bulletin de saison, c'est José Théodore qui est une coche au-dessus de tout le monde. Puis, je suis pas capable, et je sais que je suis redondant, mais je vais me battre, là, j'ai un micro, j'ai la chance de l'avoir, je vais toujours bien exercer mon droit de parole, mais je suis pas capable de voir ce goaler-là parmi les grands. Je trouve qu'il y en a, il a perdu 5 games à lui cette année, il a gagné 5 à lui tout seul. Le reste, on aurait mis Garon dans le net, on aurait eu le même résultat. Sauf que, on a tous un cousin montréalais, qui est un Joe connaissant qui sait rien. Mais qui, à Montréal, c'est toujours mieux qu'ailleurs. Ils ont un stade olympique qui est une scrap. Ils le disent entre eux, mais ils ne l'admettront jamais en public. Ils ont une ville qui se meurt. Ils ont perdu 1000 jobs hier. 1000. Mais c'est pas grave. Ils étaient la métropole du Canada. Ils sont maintenant la métropole du Québec. Mais c'est pas grave. Ils sont jamais capables de se mettre devant la réalité que Montréal est devenue une grosse ville minable qui a tout perdu ses richesses à l'arrivée du Parti québécois qui, lui, a créé Toronto. Toronto, c'est une création du Parti québécois. Oubliez jamais ça. Et les Montréalais, ils sont même... T'as un cousin montréalais, son char est scrap. C'est un citron. Il s'est fait fourrer. Quand ils ont ouvert la porte du chauffeur, il y avait une bouteille de coke dans le fond. On a tous un cousin montréalais dont le char est un citron. Il le sait, tu le sais, mais tu n'as pas le droit d'y dire. Il continue à dire que c'est le meilleur achat qu'il a fait. As-tu remarqué ça? C'est toujours le même. Tu les amènes à New York, ils regardent le Lincoln Center, puis ils disent, ouais, mais la Place des Arts, c'est bien plus beau. En parlant de ça, as-tu vu les 5 articles de Patrick Lagacé dans le Journal de Montréal qui n'ont pas été publiés dans le Journal de Québec? Si on me dit, parce que c'était pas intéressant, c'était plat, c'était niaiseux, je vois ça. Ça s'imposait à Québec, c'était ben, fun, parce que ça montrait Montréal à son meilleur. Ben, c'est ça. Et je comprends pas pourquoi ils l'ont pas publié, puis ils lui donnent une chronique à partir d'aujourd'hui à Patrick. Ouais, il est là aujourd'hui, là. Il est pas con, ce gars-là, là. Il est déplaisant, mais il est pas con. Contrairement à d'autres qui sont plaisants, mais qui sont cons. Mais pourquoi on n'a pas justement mis des articles pour voir comment les gens allaient réagir? Peut-être que dans ces articles, il n'y avait pas tort, puis que Québec, c'est lettre, puis il n'y a rien à faire là. Non, non, non, j'ai pas dit qu'il avait raison, j'ai dit que c'était drôle de lire. Mais peut-être que pour certaines personnes, même, il a raison, effectivement, c'était drôle. Mais si on faisait le procès de Montréal comme on vient de le faire, ce plaisir de démolir Québec, j'ai l'impression que ça les occupe. Pendant qu'on va attaquer Québec, qui est une ville attaquable, petite ville, remplie de fonctionnaires, où il n'y a pas beaucoup d'économies, où le, c'est so-so, Québec, là, on regarde ça, c'est une ville correcte, mais y a, c'est facile à battre, là, Québec, là. Donc, tu t'en vas te battre contre Québec, Montréal, une ville trois fois plus populeuse que les régions alentour, trois fois, c'est pas quatre, et qui est là à se dire, hey, on est bien mieux à Montréal qu'à Québec, mais qui n'ose jamais se comparer avec les autres métropoles d'Amérique. Jamais. Ils se comparent toujours avec Québec parce qu'ils savent qu'ils vont gagner. C'est sûr qu'ils vont gagner Montréal. Le nombre, l'argent dépensé par les gouvernements, tout se passe à Montréal comparativement au reste du Québec. Mais s'ils se comparent à Toronto, s'ils se comparent à Calgary, s'ils se comparent à Boston... Minables. Hein? Ils sont minables. Ils le savent. Eh bien oui. Mais cette particularité de Montréal, je veux pas, regarde, au risque de te faire de la peine, la seule façon qu'on comprend de Montréal, c'est que Montréal, c'est un gros Chicoutimi. Ah ben, c'est quand même ça. C'est une île dans le milieu du Saint-Laurent, tandis que Chicoutimi et le lac Saint-Jean, c'est une île au milieu d'une mer d'épinettes, mais c'est des îles quand même, c'est des gens isolés. 40% des habitants de l'Est de Montréal n'ont jamais sorti de ville, de l'île de leur vie. De leur vie entière. Il y a plein de gens à Montréal qui sont venus à Québec une fois dans leur vie. Ils sont venus voir Elvis Story, par exemple. Il y a plein de ça. Plein. Les gens de Montréal se suffisent à eux-mêmes et c'est pourquoi ils sont suffisants. Et si on... le nombre de journalistes du Journal de Montréal qui sont publiés dans le Journal de Québec et le manque d'orgueil du Journal de Québec de publier ces gens-là qui écrivent des choses à l'autre bout de la vingt et qui ne sont jamais descendus. À partir du sommet des Amériques où Franco Nuevo, toute la semaine, a passé des commentaires sur la situation et ne s'est même pas présenté en ville. Même chose pendant la prostitution juvénile. Ces gens-là ne sont pas venus. Et il était là à partir de Montréal, puis ah ouais, donc gardez-moi la menthe que les animateurs de Radio font, puis c'est terrible. Et là, ça s'est passé chez eux, et ils ont commencé à découvrir que l'histoire, finalement, n'était pas celle qu'ils voyaient, et ils sont en train de changer leur fusil d'épaule. S'ils étaient descendus une couple de semaines travailler, peut-être qu'ils l'auraient senti, ce qui se passait dans la ville. Ouais. Ils l'ont jamais fait. Non, ils sont bien mystérieux, les Montréalais. Ils se suffisent à eux-mêmes, c'est des gens suffisants. André, passe une bonne journée. Ouais, croirais-tu que pour la première fois de ta vie, dans un enchaînement radio, les gens auront entendu dans le même 5 minutes Jeff Fillion et le père Gédéon. Hein? À l'écoute de ces grands dans un instant. Allez, bye. Le 26.